trop si on tourne dans la pièce. Sur une pièce mécanique, ton corps qui s'étire et s'éprend. Un mouvement alambiqué du tonnerre. Oh que j'aime ça, oh que j'aime ça, oh, oh que j'aime ça. Oh, que j'aime ça.